Oh, j'ai dit Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. J'aimerais nous encourager à lever nos mains vers le ciel et nous allons prier. Nous allons parler en langue. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons lui demander de nous parler ce matin. Alléluia. Demandons à Dieu, parle-moi, Seigneur. On désire avoir ta présence parmi nous ce matin. Parle, parle, parle. Influence nos vies. Influence nos vies. Influence nos vies, Seigneur. Oh, mandereme kasoto balababa shebra kosata yanderebebe. Makolini miya kasata lololababa. Oh, makiyana mama soto balandenderebebe. Kabra soto ndanababa. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion d'être encore dans ta présence. Que ta volonté soit faite parmi nous. Que ta volonté soit faite parmi nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Alléluia, si on peut répondre, Seigneur. Oh, Seigneur. Crions, Seigneur, ce matin. De nous. au nom de Jésus, que ta volonté soit faite parmi nous. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur et prenez place ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es la bienvenue à notre deuxième culte. Amen. Dis à ton voisin, je suis contente de te voir ce matin. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Notre pasteur principal devait partir quelque part, faire un engagement, s'occuper d'un engagement quelque part. Alléluia. Amen. So, me voici, au lieu de donner les annonces, en train de partager avec vous ce matin. Alléluia. Mais nous croyons dans les douces influences du Saint-Esprit. Et il agira, parce que c'est lui, alléluia, qui nous instruit. Au nom de Jésus. Amen. Comme les gens sont en train de participer dans le jeûne, ou bien même la prière, si tu ne participes pas dans le jeûne, au jeûne, au moins tu participes dans la prière. Alléluia. Et nous sommes en train d'apprendre comment certaines choses peuvent influencer nos vies. C'est vrai ou c'est faux? Amen. On a appris que des fois quand il s'agit de prendre une décision, n'est-ce pas? Il y a trois choses qui peuvent influencer. Hey! La décision que tu viens de prendre, ce que tu as pris il y a quelques semaines, qu'est-ce qui t'a influencé? Alléluia. On a appris que le Saint-Esprit peut t'influencer. Le monde peut t'influencer. Au lieu de choisir une dame qui a la crainte de l'Éternel et de vouloir bien prier, chercher la face de Dieu avant de choisir une dame, tu regardes et tu dis, oh Dieu merci. On a ajouté encore les filles. Maintenant, je vois clairement les filles après un worship. Maintenant, je vais faire ma sélection. Je vais sélectionner. Tu choisis selon le monde, selon les choses qui agissent, tes émotions. Alléluia. Mais tu ne sais pas que le fait que la personne chante au prison worship ne veut pas dire forcément que la personne est tant spirituelle que tu le crois. Alléluia. C'est pourquoi on doit se laisser être influencé par le Saint-Esprit. Amen. Et pas par nos propres chairs ou bien ce que le monde dit. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons partager un peu plus sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je lisais un livre pour les enfants. Et c'est le titre du livre, c'est Obélix. C'est pas Obélix Restaurant là. C'est un livre, Obélix. Et dans cette histoire, il y avait des amis, ok? Ce sont des dessins animés. Et de temps en temps, ils doivent partir faire un peu de combat ici, là. Et il y a un parmi eux. Lui, il est vraiment peureux. Ok? Mais à chaque fois qu'ils doivent partir en combat contre les autres animaux ou quoi, il a quelque chose qu'il appelle magic potion. La potion de magie. Et une fois qu'il boit juste un peu de ça, il devient grand, il devient fort. Et il réussit à combattre, il a fait ce qu'il doit faire. Et de la même manière, frères et sœurs, si on l'accepte ou pas, si on le croit ou pas, il y a des choses qui essaient de nous manipuler ou nous influencer dans nos décisions. Alléluia. Amen. Ça peut être un mauvais esprit. Ça peut être quelque chose d'autre. Amen. Mais si nous allons compter, nous allons croire que le Saint-Esprit peut nous influencer pour nos propres biens, ça nous aidera. Alléluia. Alors le Saint-Esprit peut être, avec tout respect, peut être comme ce potion magique que Obélix prenait pour recevoir la force. Alléluia. Et nous avons, j'aimerais t'assurer que tu as besoin du Saint-Esprit. Même si tu es Voltaire, même si tu as l'intelligence de Voltaire, même si tu connais, je ne sais pas quoi, qui sont les grands. Molière, n'est-ce pas? Qui encore? Shakespeare, qui encore? Descartes, et qui encore? Vous ne connaissez pas? Qui encore? Je viens vers toi avec les micros là. Socrate, Aristote, Platon, alléluia. Même si vous avez l'intelligence de ce genre de personnes, la Bible nous dit on a toujours besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez quelque chose en Genèse chapitre 1. Nous allons voir l'importance et l'influence. Et le Saint-Esprit, il est doux. Il est extrêmement doux. Il ne se vante pas. Tu peux facilement vivre toute ta vie sans même le consulter. Alléluia. Mais il est là et il existe. Il existe comme toi tu existes. Alléluia. Amen. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, la terre était bonne. La terre avait le soleil, les étoiles. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et qui est venu? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que ce sont les disciples qui sont venus? Non. La Bible dit quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Ensuite, et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Même si ta vie est totalement complexe, si les choses sont compliquées dans ta vie, comme la Bible décrit, la Bible dit, la terre n'existait pas. Pour ceux qui croient dans l'évolution, s'il vous plaît, vous êtes trop intelligent pour croire dans l'évolution. Amen. Change la mentalité déjà. Amen. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Alléluia. Mais quand l'Esprit de Dieu, quand il a commencé à se mouver sur les ténèbres, les choses ont commencé à changer. Alléluia. Et c'est pourquoi si tu prendrais un peu du temps chaque jour à demander de l'aide du Saint-Esprit, quelque chose changera dans ta vie. Même si tu penses que non, pour moi, c'est fini, les parents ne m'appellent plus, j'ai plus de... Non. Le Saint-Esprit est là. Quand Jésus partait, il a dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins. Alléluia. Amen. Et c'est vrai. Il dit, je vous envoie une autre personne. Alléluia. Et lui, c'est Paraclète. C'est le consolateur. Ah. Si tu es triste ce matin, si tu as été triste dans la semaine passée, il suffit de juste consulter le consolateur. Alléluia. Et il sera là pour te fortifier, pour te donner de quoi il s'agit de vivre cette vie complexe, compliqué, difficile. Amen. Pendant les premiers cultes, notre pasteur principal nous parlait de comment les choses vont. Avant les pure water, c'était, je ne sais pas, c'était cinq personnes. Maintenant, ils veulent même ajouter, comme ça devient 20 personnes. Ou bien c'est déjà 20 personnes. Ah, tu dis, il faut attendre. Il faut juste un peu attendre. Parce que la semaine passée, je suis allé acheter le gaz et ils ont augmenté, ils ont dit, au cours de la semaine, ils ont reçu un nouveau prix. Donc, ils ont augmenté. Je me souviens, avant, c'était 9 Ghana. Et puis maintenant, c'est monté à 11 Ghana. Et puis, c'est monté à 15 Ghana. Ça dépend de taille de la bouteille. Alléluia. Maintenant, le 15 kg, maintenant c'est 40 Ghana. Mais toi-même, si tu achètes le gaz, cela veut dire la personne qui fait le. Quelle est les frites à côté de la rue là? Elle va aussi un peu augmenter parce qu'elle doit acheter le gaz à la maison. La personne qui fait l'indomie que tu empruntes de temps en temps là, elle sera obligée d'augmenter un peu. La personne qui fait quoi? Qui vend le gari, qui vend le riz, eux tous, les fried rice, ils seront obligés d'un peu augmenter parce qu'ils ont aussi leur foyer. C'est pas parce que tu es si jolie qu'ils ne vont pas te vendre le, je sais pas, le fried rice, c'est ça que vous dites. À 4 Ghana ou bien quoi? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Alors les choses, au lieu de devenir beaucoup mieux, ça devient un peu plus compliqué. Et si tu restes et tu laisses les vagues de ce monde t'emporter juste comme ça, sans prier, te concernant, hein? Is it correct French? tu seras perdu. Tu seras frustré. Et je dis chaque fois que vous connaissez les oncles ou bien les tantes que vous avez, que nous avons tous, qui étaient bien établis dans la vie. Mais à cause de ces gens de frustration, quand vous voyez leurs photos quand ils étaient jeunes, avec leurs chapeaux, avec leurs pantalons, qui... Hein? Pas de téléphone. Vous voyez, avec les lunettes que vous portez ces jours-ci là, comme les gens Philippe et les noirs là que vous portez là, ils ont aussi porté à l'époque. Ils ont les mêmes choses qu'ils répètent ces jours-ci. Alléluia. Are you there? You've gone home. Yeah. Mais aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas su comment ajuster aux circonstances, la manière dont les choses se changent si vite, ils se sont si perdus. Ils n'arrivent plus à suivre le rythme normal de la vie. Certains ont commencé à boire parce qu'ils pensent que l'alcool résout à leurs problèmes. Certains ont commencé à chercher des femmes parce qu'ils savent que si j'ai rien à manger, X préparé pour moi aujourd'hui, Y fera mercredi, Z fera lundi. C'est pourquoi certains ont des enfants partout. Yeah. Alors si toi en tant que chrétien, déjà le diable te cherche. Si tu ne te lèves pas toi-même, si tu ne prends pas le contrôle de ta vie, en remettant ta vie entre la main de Dieu, et Dieu a dit, c'est vrai, tu m'as remis ta vie, mais je te donne aussi les clés de réussite. Il a dit, priez sans cesse. Les instructions sont claires dans sa parole. Mais tu es trop paresseux. La prière, tu ne veux pas assister. Le jeûne, non, c'est trop compliqué. C'est pas de 18h, c'est pas de 6h à 18h. C'est de 8h, soit de 8h à 11h. Et tu coupes le jeûne si tu finis, si tu veux même. Il faut mettre la checker ou bien ce que tu veux là dans le sac. Directement après la grâce, tu te caches quelque part pour manger, même avant de sortir. On a simplifié les choses. Mais toujours, comme c'est le diable qui essaye de manipuler ta vie, il te dit que c'est trop difficile de toujours jeûner. Je n'ai jamais vu un jeûne si simple depuis ma vie chrétienne. Mais toujours, tu cherches. C'est quoi jeûner pour 3 heures? C'est quoi? Jusqu'à 11h, tu ne peux pas. Oh, come on. Quelque chose t'influence parce que le diable sait que si tu te soumets et tu jeûnes et tu viens assister à la vie, il sait que son contrôle sur ta vie sera brisé. Donc, il te donne des excuses. Il te donne, non, reste un peu à la maison. Non, fais ça. Non, il fait chaud. Oh oui, c'est trop tôt dans du matin. J'ai mal à l'estomac. C'est quoi? Attention à ta santé. Tu sais que tu as l'ulcère. Tu sais qu'il te donne des raisons. Toi, si tu avales les manipulations d'un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, tu penses que c'est une punition, mais tu ne sais pas que c'est de l'aide qu'on t'apporte pour ta propre vie, pas pour la vie du berger, bien la vie du pasteur. Il y a des choses qui nous manipulent, si vous le croyez ou pas. Ah non, ta situation, même si c'est compliqué, il y a quelque chose. You don't believe it. No, you don't believe it. If you believed it, vous allez venir pour la prière comme si c'était la source de vos vies. If you believed it, que derrière chaque chose, il y a un esprit. Il y a un esprit. Toujours. Toujours. Alléluia. C'est pourquoi même le livre qui a été choisi pour nous, c'est une bénédiction. Les douces influences du Seigneur. Maintenant, on a appris que les choses n'apparaissent pas juste comme ça, mais il y a des choses qui influencent. Oh, man. Que cherches-tu, encore après tout ceci? Alléluia. C'est pas ça mon message. Je vais partager avec vous très brièvement. Disponibilité. La clé de l'association, de l'amitié et du milieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est vraiment important d'être disponible. Alléluia. Il y a certaines personnes directement que la grâce du Saint-Esprit et participation. Amen. Tu es déjà là au portail. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi c'est bien de venir à l'église. Parce qu'on va vous enseigner l'importance d'être disponible. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre? Alléluia. Première chose que la disponibilité nous donne. Amen. Ce que nous apprendrons à survivre au temps difficile du ministère. Ah, parce que le ministère, c'est pas juste porter un chapeau, puis venir, tu tiens au micro, quelqu'un chante avant que tu pars prêcher. Et puis tu tiens au micro et puis tu marches comme tu veux. Non. Le ministère, ça peut être compliqué. Alléluia. Amen. Et quand tu te rends disponible, quand tu restes pour causer avec les autres, Laetitia, ça t'aide. Oh, Caresse, tu es là. Amen. Ça t'aide toi-même à savoir que tu peux aussi. Parce qu'une fois que tu es là, tu entends des histoires. Quelqu'un partage son histoire. Alléluia. Mais je vais partager ce que Paul a dit par rapport à survivre dans le ministère. Afin que tu vois que c'est pas toi seul. Oh. C'est pas toi seul. Ce que tu subis là. Le diable aimera t'écarter afin qu'il te dise que c'est toi seul. C'est à cause de l'église. Tous les problèmes que tu as là, c'est l'église qui font ça. Mais toi aussi tu avales. Ah, je ne pars plus à l'église. L'église, là, c'est trop loin. Ils font trop ça. Pourquoi ils prennent deux offrandes? Pourquoi ce sont des femmes qui prêchent? Pourquoi ça? Ils te donnent plusieurs raisons. Alléluia. Vraiment, on doit se méfier du diable. Amen. Tenons la Bible à 2 Corinthiens, chapitre 11, 25 à 27. Paul parle du temps difficile dans le ministère. Et quand tu écoutes même au message de l'évêque, il parle. C'est pourquoi on vous encourage que vous devez tous croire que vous aurez vos podcasts et vos tablettes. Comme ça, vous pouvez écouter une fois que le message est prêché, automatiquement, ça vient sur ta tablette. Amen. C'est pas Les gens disaient sur la radio, hey, maintenant Lighthouse, c'est ça, et quoi. Non, ils doivent continuer à parler. Mais c'est une bonne chose. C'est pas quelque chose de la classe d'avoir une tablette. Ça va t'aider, c'est nécessaire. Alléluia. Et parce que tu entends ça. Hey, quand j'ai eu mon fils David, mon Dieu, j'étais jeune. Et j'étais étudiante. Mon mari aussi était étudiant. Pas au Ghana, mais à Londres. Un pays, déjà le pays même est égoïste. Hey! Ah, c'était pas facile. Hey! Personne pour venir t'aider, oh. Personne. Et j'ai dit, oh! Mais même ta propre soeur là, elle est déjà partie au travail. Parce que j'avais ma propre soeur là-bas. Elle n'était pas trop disponible. Mais ce sont des messages. Et il y avait des moments où on était fauchés. Oh. Hey! Vous connaissez fauché? Le fauchement. Oh là là. Hey! Mon Dieu! Mais c'est pas un mot, on ajoute à la dictionnaire. Et comme sa naissance aussi était un peu compliquée, le lait ne venait pas. Parce que le lait, au moins, ça aide pour 3 mois un peu. Mais ça ne venait pas parce qu'elle était à l'hôpital, je devais partir. Et puis, ce sont des messages de la première dame quand elle racontait comment au début du ministère, lui et son mari, l'évêque Dag, ils n'avaient pas également le soutien. Et ils ont dû donner à manger. Pendant que les gens achetaient les bébés lacs, cerélacs, lactogène, francelet, everything, c'était, vous connaissez, il y a un poisson, dit un poisson. Et il y a des petits qui sont comme ça, c'est herring. Hein? On vend ça au marché. C'est pas comme les tilapia qui coûtent cher. Ce sont des petits comme ça. Et souvent c'est fumé. Ils font ça fumé, c'est dur. Ah, ce sont les petits, ça, c'est comme les sardines. Mais ça c'est dur, c'est au marché. Un Ghana, tu peux avoir un peu beaucoup. Ces jours-ci, ils ont un peu augmenté. Elle a dû acheter. Et puis, elle écrase ça en poudre. Et puis, au lieu d'utiliser le lait, elle prend ça, elle mélange avec bouillie. Et puis, les enfants mangent. Yeah. Mais si tu ne sais pas, si tu n'es pas disponible pour écouter un message, ou bien pour être là, pour être près d'un homme de Dieu, tu ne sauras pas. Tu penses, les gens de Lighthouse, regarde comment les pasteurs ont les iPads, regarde la voiture que l'évêque conduit, regarde comment la collège est grande, et des fois quand on part aux toilettes, il n'y a même pas papier hygiénique, et l'eau ne coule pas. C'est ça que tu vois. Mais tu ne sais pas qu'il a dû commencer quelque part avec l'affauchement ou bien le fauchement. C'est ça le mot du jour. Alléluia! Tu ne sais pas comment sa femme, tu la vois, les mardis, elle marche et puis elle vient tranquillement s'asseoir. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a dû subir en tant que première dame. Tu ne sais pas. Tout ce que tu vois, regarde son sac, regarde sa montre, regarde ses chaussures, regarde ça, ses chaussures, ses cheveux aujourd'hui, elle n'a pas peigné ça. C'est ça que tu vois. Mais tu ne sais pas que le ministère, c'est difficile. Mais c'est quand tu es disponible, quand tu n'es pas pressé à rentrer, vite rentrer à la maison. C'est quand tu vas à la maison, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas suivre la télé, ou bien tu vas causer, tu vas faire quelque chose qui n'est pas très important, sauf si tu as examen. Et tu dois repartir vite à la maison, apprendre. Mais tu verras que que c'est pas toi seul qui a des compliqués. Et tu sauras aussi que si elle a pu résister et aujourd'hui elle est toujours en vie, cela veut dire que si je crois et si je laisse le Saint-Esprit m'influencer, je sais que dans quelques années, moi aussi, mon histoire va changer. Mon histoire va changer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut être disponible. Il faut t'associer. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'amis ici. Lève ta main. Fais signe de ta main. Tu n'as pas d'amis ici à l'église. Tu n'as pas d'amis. Ok. Amen. La Bible dit, celui qui se rend amical, hein, trouvera des amis. Alors si tu as toujours un visage foncé, c'est foncé? Français. Tu n'auras pas d'amis. Mais il faut désirer. Certaines personnes, ils sont toujours, je les vois toujours assis seuls. Why? Pourquoi? Il faut apprendre à se mélanger avec les autres. Gloire! Alléluia! Amen! Il faut, tu vois quelqu'un seul là-bas, tu dis, oh wow, bonjour. Tu es francophone? Bien sûr, il est francophone. Il est assis devant ici. Mais tu poses la question quand même. Tu es francophone? Tu viens de quel pays? La personne dit, je suis congolais. Tu dis, ok, le Congo, c'est l'Afrique centrale, bien l'Afrique de l'Ouest, bien c'est où comme ça. Tout ça juste pour générer la conversation. Amen. Tu te montres amical. Bien, tu te montres ami. Tu es amical. Et de la même manière, quelqu'un aussi sera ton ami. Ne laisse pas là, hey, cette église, tout le monde appelle l'église, tout le monde connaît ses amis, moi, personne, je ne veux plus. Non, don't say that. Alléluia. Amen. J'aimerais lire le verset. Paul a dit, trois fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. Trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. Vous voyez comment les revenus voyagent aujourd'hui, cette semaine est là. Demain c'est Mali. Demain c'est le Sénégal. Juste pour l'évangile. Si tu es trop décrit, tu vas dire, oh, mais Paul aussi, c'est la même chose qu'il a fait. Alléluia. Il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, tu verras que les frères qui sourient avec toi, mais qui ne sont pas des vrais frères. En péril parmi les faux frères, alléluia. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Tu verras que ce n'est pas toi la première personne qui souffre. Et tu ne deviendras pas si découragé. Alléluia. Amen. Parce que si tout tombe pour toi facilement, comment est-ce que tu peux mûrir? Comment? Tu resteras toujours bébé. Amen. Alors des fois, you have to just tighten things a little bit. God is a good father. Et des fois, il tourne un peu la clé, peut-être, je ne sais pas. Mais ça ne demande pas qu'il est méchant. Il a toujours des bons projets pour toi, Meryl. Joyeux anniversaire, samedi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Encore une chose que nous allons apprendre, si nous sommes disponibles, que nous allons apprendre à faire face à la désertion dans le ministère. Des fois, tu vois certains pasteurs qui se plaignent, oh, ma bébé là, il a quitté le ministère, vient la quitter le ministère, n'est plus là, ne vient plus au basel, je l'appelle, elle ne décroche pas, je fais ça, tu sauras que ce n'est pas toi seul. Alléluia. Que l'apôtre Paul, combien de gens croient que l'apôtre Paul était une personne de grand? Qui était, I mean, yeah. Amen. Amen. Mais regarde ce qu'il a dit. dans 2 Timothée chapitre 4, 10 à 11. Alléluia. Wow. Il dit car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Et il est parti pour Thessalonique, Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Et ceux qui écrivent l'histoire biblique, ok, ils ont dit à l'époque Démas, il venait de se marier, il n'était pas prêt à suivre Paul partout. Il voulait rester enjoyer avec sa femme, pas être en voyage. Alléluia. Alors tu verras, mais quand tu lis les versets suivants, tu vois, il dit quoi, le 11e verset, il dit, come on, il dit, Luc seul est avec moi. Tu sauras que certaines personnes vont bien sûr te laisser. Bien sûr. Mais de la même manière, certains vont rester avec toi. Malgré toutes les erreurs que tu vas commettre, ils vont rester avec toi. Parce que la Bible dit quoi? Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Suivons la chose suivante, mais le point suivant. Ce que nous apprendrons à nous excuser. Certaines personnes, quand tu les corriges, ils s'éloignent de toi. Vous avez expérimenté ça? Ils pensent que tu es trop dur sur eux. Cette personne, j'ai corrigé il y a 2 ans, il y a 3 ans. Maintenant, quand ils me voient, c'est comme si nous sommes étrangers. Donc, j'ai dit, oh, ok. So, moi aussi, quand je les vois, je passe. Toi, tu passes. Moi aussi, je passe. Juste parce que j'ai corrigé quelque chose dans ta vie pour t'aider. Tu penses que je suis trop dur? Oui, je suis dur. Et alors? C'est comme ça que je suis? Alléluia! Ceux qui sont un peu humbles pour apprendre que le fait que... Non, il faut demander, si je demande ceux qui sont les anciens à la chorale, il faut demander au berger, le berger sur laquelle je n'ai pas crié. Il faut... Presque tous les gens vont se lever. Et tous. Mais ils savent que directement après, on est amis. Le fait que j'ai... C'est parce que quelque chose ne marchait pas. Et ça devait être corrigé, automatique. Après ça, c'est la paix. C'est la joie. Tu veux dire que tu es méchant, que je ne t'aime pas. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Et si tu fais ça, c'est pourquoi tu ne grandis pas. Parce que tu ne veux pas être corrigé. Et elle m'a corrigé devant tout le monde. Et elle a dit ça devant. Et alors? Come on. Come on. What do you mean? Forgive, Lord. Hallelujah. Amen. Look. Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée. Mais ça marche. Il y a même les évêques. Les évêques qui sont grondés dans la présence de leurs subordinés. Yeah. Ils sont grondés. Pas parce que... C'est quoi les titres? Soi-disant. C'est juste afin que le travail marche. Mais après, je ne veux plus être évêque. Mais je suis évêque. Mais, oh, il a osé. Come on. Tu es trop fier. Tu es trop arrogant. C'est pourquoi on ne va pas arrêter de crier sur toi. Ou bien on va te laisser même. On ne va plus même parler de ton histoire. Yeah. Hallelujah. Ça veut dire que c'est tous les jours que je crie sur les gens. Il faut demander. Je suis gentil, n'est-ce pas? Yeah! Être à côté de l'élu, être disponible à côté de l'élu, mais aussi m'a montré comment ne pas être trop dur. Mais des fois, ça vient, c'est dans les sangs. Hallelujah! It doesn't mean that, no, please. Certaines personnes ne savent pas, tu as fait quelque chose de mal, on t'a corrigé, même peut-être on a dit ça devant tout le monde. Hey! Ils ne savent pas comment s'excuser, oh, Meryl. Ils vont quitter. ils te voient comme ça, venir comme ça, elles vont encore crier, je passe. Oh là là. Come on, il faut un peu grandir. C'est pas toujours comme ça. Alléluia. Il faut dire que, ok, je sais ce que j'ai fait là. Si elle vient, peut-être, alors il faut juste te préparer. Comme ça, si ça vient, ça arrive. Si ça ne vient pas, Dieu merci. Alléluia. Amen. Are you understanding? Il faut, on doit apprendre comment s'excuser. Et des fois, ce sont c'est un privilège d'être parmi les grands. Parce que tu vois que, oh, c'est pas seulement chez nous, oh. Chez les autres aussi. Mais comment est-ce qu'ils traitent ce qui s'est passé? Ils savent. Après, totalement. Et ils ne lancent cesse. Et puis, ils doivent aller parler. Oh, daddy, ça, la vie continue. Tu dois apprendre comment t'excuser. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Lisons Actes chapitre 23, 2 à 5. Nous allons voir que Paul, le grand apôtre, il a dû s'excuser. Il a dû s'excuser. Alléluia. La Bible dit, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de frapper sur la bouche. De les frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera. Muraille blanchie. Hey, Paul aussi, il avait des verbes. Il disait des choses. Il était dur. Il a appelé le souverain sacrificateur Muraille blanchie. Hey! Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe, n'est-ce pas? Regarde, on parle d'être disponible, d'être dans l'association d'autres personnes, pas être écarté. La Bible dit, ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Alléluia. Et Paul dit, je ne savais pas faire que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras de mal, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Alléluia. Alors il a appris à comment s'excuser. Il n'a pas dit non. Et alors, laisse-moi, non, ce qu'il a fait, il avait tort. Et non, elle avait tort, non. Mais certaines personnes, vous ne savez pas comment vous excuser. Alléluia. Mais quand tu es là, parmi les autres, tu verras que, ah, ok, on a crié sur cette personne. Et regarde comment il a réagi. Ok, moi aussi, la prochaine fois, regarde comment je vais faire. Oh, ok, on a fait ça. Regarde comment il s'est comporté. La prochaine fois, moi aussi, je le ferai. C'est comme ça que tu peux grandir. Alléluia. Amen. Ensuite, nous allons apprendre à faire des petits boulots. Amen. Hé, hey, Babette, tu n'écris pas. Christy a pris ton cahier. Elle n'a pas pris. C'est là. Ok. Ceux qui sont derrière, je vous regarde. Alléluia. Vous apprendrez à faire des petits boulots. Regardons Jean 6, 12 à 13. Alléluia. Jean 6, 12 à 13. La Bible dit, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge, après que tout eurent mangé. Alléluia. Jésus, il a dit au grand berger, avec les titres et les gros croix, qui ne fait pas m'importer. Il a dit, ramassez les morceaux. Il n'a pas dit, oh, vous savez quoi? S'il vous plaît, au nom de Dieu, mon Père Céleste, s'il vous plaît, je suis à genoux, s'il vous plaît, ramassez les miens. Il n'a pas dit ça. Et certains d'entre nous, on ne sait pas que en tant que leader, nous sommes des serviteurs. Come on. Hey! Un leader, ou bien un berger, c'est pas que tu es maintenant en autorité, tu dis, il y a un, hey! Il fait, tu dis, non. Pas du tout. Alléluia! tu n'es pas devenu le chef. Sinon, tu es en train de te comporter comme un président africain. Ils veulent être portés dans les palanquins. Personne n'ose pas ouvrir la bouche contre eux. Waouh! Ta mentalité n'est pas correcte alors. C'était des grands qui they were the ones who were collecting. They were collecting. Vous ne pensez pas qu'ils avaient des assistants? Ils avaient des assistants. Et des assistants. Mais ce sont eux qui ont pris les paniers. Et ils ont commencé à prendre. Imagine que à Jesus Cathedral, sur l'estrade, l'évêque t'a... Ok. Bishop Adi, please come in. Je dis, oh, devant tout le monde là. Excuse-moi l'évêque. Mon assistant est derrière moi. Est-ce qu'il peut venir? Non. Automatiquement, il a pris les paniers. Et si tu te rends disponible et tu viens à Dieu, tu verras comment promptement Bishop Saki ou bien Bishop Eddie, ils vont juste se lever pour aller. C'est pas un problème pour eux d'apporter la Bible de l'évêque, de lui apporter sa Bible sur l'estrade. C'est pas un problème. Ça ne diminue pas les quoi? Hein? Statut. Non. Et quand tu y es là, you see, tu vois comment traiter avec un ancien. Comment traiter? Même quand toi-même tu es un grand. Alléluia! Parce que la manière dont certains d'entre nous se comportent, sur un petit groupe comme Praise and Worship, et si tu étais en charge de la chorale, les deux chorales, les trois chorales, les prises instrumentales. Et si tu étais le pasteur de cette église, l'église sera finie, oh. L'église sera finie. Ta manière de parler, ta manière d'adresser les paroles aux gens, c'est comme s'ils sont tes serviteurs. Non, pas du tout. Tu apprends, être disponible, tu vois, ah, ok, c'est comme ça qu'ils font. Ok, moi je pensais que ça, ok, c'est pas comme ça, plutôt c'est comme ça. Alléluia. Oh, par la grâce de Dieu. Amen. J'étais, laissez-moi parler un peu comme une folle. J'étais un pasteur principal, moi aussi j'avais quelqu'un qui m'introduisait. C'était moi qui prenais les décisions. Et pas au Congo, ou bien au Togo, ou au Bénin. C'était l'église francophone. I mean, excusez-moi un peu de pas. C'était moi qui avais commencé la branche francophone. Yeah. À Londres. Maintenant, c'est fermé. Mais, I mean, et il y avait un peu des grandes personnes. Des gens qui étaient plus âgés que moi. Qui avaient même déjà les enfants qui étaient là. Mais quand je suis arrivée au Ghana, et puis l'évêque a dit, ok, il faut partir être l'assistant de Lady Van Doris à l'époque. J'ai dit, non, mais mes amis sont là. Tous mes amis avec qui je suis venue, ils sont là. Il a dit, Et depuis ce jour-là, sous la grâce souveraine de Dieu, j'ai enlevé mon chapeau d'être un pasteur principal et je suis privilégié d'être un adjoint. C'est un privilège, c'est une bénédiction d'être un pasteur adjoint à une dame si grande et si ointe. J'ai pas dit, est-ce que vous partagez la prédication là? Tu prêches un culte et puis moi aussi au moins. Comme ça les gens verront que, ok, au moins. Non. Même quand elle doit partir, que père doit me donner quelque chose, elle dit, on doit négocier à fond. Que j'ai dit, ok. Alléluia. Mais si tu n'es pas close à un homme de Dieu, tu ne verras pas. Tu ne sauras pas que faire. Tu pensais que, ok, nous sommes au même niveau. Non, nous ne sommes pas au même niveau. Nous ne sommes pas au même niveau. du tout. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Ne restez pas loin. Ici, à l'aise, nous avons le privilège d'être close aux hommes de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs. Tu peux avoir le numéro d'un pasteur. Tu peux toujours appeler un pasteur, envoyer un WhatsApp à un pasteur. Il n'y a pas un garde de corps. S'ils sont là, mais c'est juste porter un peu le sac, c'est tout. C'est pas. Non! Alléluia! Amen! Apprenons, apprenons, apprenons, frères et sœurs, à faire des petits boulots. Pectin. Oh, c'est pas mauvais de chercher une chaise pour Meryl. C'est pas mauvais. Hein? Hein? Elle est venue à l'église quand? Non! Il est là. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous associez également avec les hommes de Dieu, vous serez un. Vous serez un. Alléluia. Vous serez un. It is automatic. It is automatic. Alléluia. Amen. Regardons Jean chapitre 20, 21 à 22. Et également, vous allez assimiler l'esprit du ministère. Parce que c'était, vous avez vos propres idées de comment le ministère doit être géré. Mais c'est, nous ne sommes pas Morgan Chapel International. Ou Francisca Chapel International. Nous sommes à Lighthouse Chapel International. Nous avons notre manière de faire nos choses. Alléluia. Alors tu peux assimiler l'esprit du ministère. Peut-être dans ton église, les femmes ne sont même pas permises à tenir au micro. Mais ici, c'est différent. Et si tu commences à être close, tu verras, tu comprendras l'esprit derrière ce que nous faisons. Nous allons vous montrer ça dans la Bible. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Des fois, tu fais un message à un homme bien fort de Dieu et puis la personne dit, be blessed. Oh, mais les trois messages que j'ai envoyés là, tout ce qu'elle a pu dire, c'est be blessed. Mais c'est quoi ça? Ah! Puis tu deviens fâché, non, je ne vais plus faire un message. Forgive. C'est la bêtise. C'est la bêtise de décider de faire ça. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. That's all he said. Peace be unto you. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Après ces paroles, il souffla sur eux. On parle de l'onction. Get close. There's anointing. Alléluia. The lady we see here, sitting here, she's heavily anointed. But you don't know. She's heavily anointed. Alléluia. Après ces paroles, la Bible dit, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Oh, come on. Si tu come close, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ensuite, vous apprendrez à conseiller les gens. Hey! Des fois, le conseil qu'on donne aux gens là, c'est pas facile, oh. Tu dis à la personne, on va jeûner ensemble 70 jours. Hé! Hey, pourquoi tu veux tuer la personne? Tu penses que la personne est trop grosse. Si la personne doit maigrir. Donc tu passes par le jeûne. Montre-moi là où un homme de Dieu a dit dans la Bible que tu dois jeûner 70 jours. Montre-moi là où on dira, viens, j'ai fait un petit travail sur toi. Viens avec des bougies, avec, how do you call the scented water? L'eau bénite et tout ça. Je ne critique pas les hommes, mais je dis, montre, si c'est dans la Bible, surtout le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Mais quand tu es close à une femme, tu verras. Tu verras comment conseiller les gens. Quelqu'un vient te dire, oh, excuse-moi, berger. Il est là. Appelle la cellule là. Le frère là, il est venu chez moi. Et Quand j'ai préparé, je sais qu'on a dit à l'église, je lui ai dit à l'église, j'ai parlé, et toujours, il est resté, il a dit non, il est juste fatigué, mais il va partir, on va partir à la prière ensemble. Et ben, quand on a fini maintenant, on a fini de manger, il a dit non, la nourriture doit un peu digérer. Et puis, on était là, et puis, berger. Maintenant, après, il a commencé un peu, c'est comme s'il faisait chaud, il voulait juste essuyer le visage, la sueur, et après, héberger. Excuse-moi, c'est que tu vas parler dimanche passé, mais encore ça s'est passé, j'ai fait comment? Et demain c'est moi qui lead à la courage, j'ai fait comment? Tu appelles la personne, espèce de, je sais pas quoi, tu insultes la personne, mais tu... Non, c'est pas comme ça. Tu vois, avant on faisait ça, mais quand tu marches, quand tu t'associes avec des hommes de Dieu, les gens qui sont loin, quand tu écoutes les messages, tu verras que, ok, la personne t'a déçu ou quoi, mais tu fais comment? Tu dois apprendre à rétablir la personne. C'est quoi le verset que tu vas utiliser? Parce que est-ce que la personne doit maintenant quitter l'église ou bien pas chanter à cause de ça? Non. Tu dois trouver une manière de corriger la folie qui est dans la personne. Mais en même temps, aimer la personne et garder la personne. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs nombreux de nos pasteurs, quand ils racontent leurs histoires, même Bishop Ogo, qui est l'assistant évangéliste maintenant, il était un soulard. Qui allait cru qu'aujourd'hui il sera un évangéliste? C'est pourquoi on ne doit pas juste couper les gens parce qu'ils sont pécheurs. Tu ne sais pas l'avenir de la personne. Alléluia! La personne peut être prostituée aujourd'hui, mais tu ne sais pas à quel point Dieu a préparé que la grâce lui retrouve. Amen! Yeah! Si tu apprendras que, ok, on ne coupe pas la personne jusqu'à ce que la personne devienne sainte, mais il y a une manière de traiter avec la personne. Pour toujours garder la personne de près. Parce que petit à petit, un jour, ça ira. La personne que tu connaissais, tu verras que, waouh, regarde comment le Saint-Esprit influence cette personne. Tu verras qu'au lieu de gifler la personne comme ça, là, tu peux aller dans ta chambre et dire, oh Seigneur, encore une fois, Seigneur, je ne sais même plus quoi dire à cette personne. Mais il faut commencer à influencer cette personne. Tu verras qu'un jour, la personne est en train de lire quelque chose, un texto, la personne dit, vraiment, j'ai pris le cœur de ce berger, je ne savais pas. Et puis tu verras that the person will just turn around. It is not going to be by your power, mais ça sera par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ça vient, ça arrive quand tu apprends à marcher avec des hommes de Dieu, à écouter des messages, imbiber les messages, lire les livres. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je vous donne la dernière chose et puis nous allons continuer une autre fois. Alléluia. Amen. Ok. Dernière chose, vous allez apprendre comment travailler pendant des longues heures. Quand tu es là. Alléluia. Amen. Il y avait un autre truc que je voulais partager aussi avec vous. Ok. Je vous donne encore une. Mais on regarde d'abord ce verset. Actes chapitre 20, verset 7. Très, très vite. La Bible dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Il faut bien regarder. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entraînait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Hey! Toi, il parlait au port, il parlait avec... Ils étaient censés voyager. Et maintenant, regarde l'apôtre Paul. Il causait. Tu essaies de passer par là pour juste chercher de l'eau comme ça. Il voit que tu es toujours en train d'attendre. Il n'a pas vu. Il continue. Il rit même. Il demande qu'apporte-moi, amène-moi une chaise. C'est là même, il est assis maintenant. Tu essaies de lui faire un WhatsApp. Non. La Bible dit, il a prolongé, il a causé jusqu'à minuit. Alléluia. Toi, tu veux venir voir le pasteur, mais tu n'as pas du temps. Le pasteur doit être prêt quand tu es prêt. On te dit, assieds-toi un peu. Non. Tu ne veux pas attendre. Non, je suis pressé. Là, je dois partir. Là, je dois aller faire l'endomile à la dame. Je lui ai dit de m'apporter un carton. So, je dois partir. Ouh. Tu apprendras ta vie. Comment être là? Comment être là et attendre? Tu apprendras. Amen. Et si tu n'as pas un cœur qui est prêt à attendre, là tu ne peux jamais recevoir ta bénédiction. Alléluia. Et même si tu es toujours pressé, oh, mais c'est quoi? Moi, je suis une grande personne, pourquoi je dois m'asseoir et attendre? Et les autres aussi passent avant moi. On dit, ok, l'autre là vient, et pourquoi pas moi? Hey! Il faut juste t'asseoir et attends ton tour. Attends ton tour. Alléluia. Are you there? Are you there? You've gone home. Amen. Ok, c'est ça que j'ai mélangé les deux. Tu apprendras à attendre patiemment votre leader. Hey, mais elle a dit qu'on a réuni, mais elle est où? Oh! Elle est où? Mais moi, j'ai des choses à faire à la maison. Moi, j'ai pas ça. Oh. Amine, c'est quoi ça? Hey! Forgive her. Forgive her. Tu n'as pas le droit, soi-disant, de dire cela. Alléluia. Il faut attendre patiemment. Et je vous donne une écriture pour ça. Amen. Are you there? Matthieu chapitre 26, 40 à 44. Amen. On parle de comment attendre patiemment ton leader. La Bible dit, et il vint vers le disciple qui trouva endormi. Et il dit à Pierre, Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes choses. Alléluia. Tu verras que si tu es berger, si tu es un shepherd, ou bien tu es quelqu'un qui désire un jour un peu monter, tu ne pars pas avant que ton pasteur parle. Vous comprenez? Yeah. C'est quelque chose que nous tous ne connaissons pas. On a vu. C'est ce qu'on était à il va une heure du matin, on attend. Dimanche, on est venu depuis 6 heures du matin. On est là jusqu'à... Et quand tu viens autour de sa voiture, encore, les gens vont partir. Oh! Bishop, ça. Et c'est quand il est assis dans sa voiture, et il est parti. Et puis, les autres aussi partent. Mais quand tu n'es pas close, tu ne seras pas. Hein? Mais quoi? Mais j'ai des choses à faire à la maison. Je suis fatigué. C'est dimanche. J'étais là à la répétition depuis le matin. Non. Je me suis réveillée à 4 heures pour être ici là et j'attends. Non. Tu attends. Tu attends. Alléluia. C'est quelque chose qu'on fait. Amen. Et tu ne sais même pas, tu verras. C'est juste aussi que les choses ont un peu changé à cause des schedules et tout, que maintenant, Bishop Saki a sa place à part, et puis l'évêque aussi a sa place à part, et puis ils font des choses, les schedules sont un peu différents. Alléluia. Amen. Mais même là, c'est quand tu commences à travailler, ou bien vous avez une réunion, vous avez une réunion avec le PDG, quand on termine, et puis, après qu'on a fini, ok, so I'm going to see you guys, and blah, blah, blah, et puis tu prends ton sac, et puis c'est fini, et puis tu pars. Non, tu ne dois pas quitter avant que le PDG sorte. Je ne parle pas du bureau, mais je parle, vous avez une réunion comme ça. Tu n'as pas, il a fini, tu attends, et puis il quitte. Et même quand tu as appris à faire ça ici à l'église, quand il va dire, ah, mais cette personne est différente. Regarde ses comportements. C'est parce que tu as appris ça à l'église. Alléluia. Et tu verras aussi que les hommes de Dieu, parce que certaines personnes, Bruno, tu es là. Certaines personnes pensent qu'en tant que pasteur, quand on finit de prêcher, on dort jusqu'à dimanche prochain. Oh, si seulement c'était ça le cas. Hey! On travaille, oh. On travaille jusqu'à... Même le lundi qu'on dit c'est congé là. Toujours, on travaille des fois. Amen. Beaucoup. Et tu continues à recevoir les emails. Ok, ça doit être fait. Ça doit être fait. Lundi, non, vendredi, j'étais au travail depuis le matin, très tôt. Je suis venu pour la prière. Je suis reparti au travail jusqu'à 22 heures. Et puis directement de là, je suis arrivé pour la veillée. Et puis je suis rentré. Si tu n'es pas closé, tu vas pas, ok, elle est partie à la maison, se reposer, bien manger, mais quoi. Quand j'ai appelé les enfants, ils ont dit, hey, mommy, are you still in the office? J'ai dit, yes, I am still in the office. Mais tu ne sauras pas. Tu dis, hey, mais comment est-ce qu'ils arrivent à s'occuper des enfants? On sait, parce que nous sommes close aux hommes qui nous ont devancés. On sait comment passer du temps aussi avec nos enfants. On apprend. On apprend. Alléluia. Frères et sœurs, il est une bénédiction d'être associé. Alléluia. D'être juste autour. D'être disponible. Parce que tu apprends. Ne sois pas toujours pressé de rentrer. Bruno dit amen. Amen. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. Amen. Et dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, nous serons disponibles. Nous serons disponibles. Peut-être que c'est ta première fois, tu dis, oh, moi je n'ai pas attendu. C'est pas grave. Je parle aux certaines personnes. Amen. Alléluia. Mais si tu désires, tu peux aussi être là. I mean, around. C'est cool. Tu donnes tout ton dimanche à Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui sont toujours assis, moi j'ai marché sur mon talon depuis. So, levez-vous. Amen. Powerful. J'aimerais que tu commences à prier. Je veux dire, Dieu, donne-moi la sagesse de savoir comment me comporter quand je me trouve autour d'un homme de Dieu. Parce qu'il y a une sagesse. Il faut aussi prier que Dieu aide-moi à écouter au message, d'apprendre à travers les livres, à travers les messages, afin que ma vie ne soit pas si vide. Aide-moi, Seigneur. Ça dépend de ce que tu as appris du message. Mais tu peux demander à Dieu ce que tu veux. Demande à ce que le Saint-Esprit t'influence. Ta vie, tes choix, les complications de ta vie, les complexités de ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Father, we thank you for this opportunity. In Jesus' name. Amen. Avec tous les yeux fermés, s'il vous plaît. Peut-être que tu es là, tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, tu viens à l'église chaque jour. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas là où tu passeras l'éternité. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas trop tard. Une fois que tu es vivant, tu peux accepter Jésus Ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Mais quand tu meurs, il n'y a aucun endroit là où on peut maintenant intercéder pour ton âme. Alors aujourd'hui, si tu es là, tu veux dire, pasteur, je ne connais pas Jésus comme mon sauveur. Je ne l'ai jamais confessé comme mon sauveur. Mais aujourd'hui, je mets à part mon arrogance. Je mets à part la honte. Je vais accepter Jésus comme mon sauveur. Fais signe de ta main et je vais prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus comme son sauveur? Fais signe de la main. Dieu merci, je vois ta main. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu peux faire partie de ces gens qui veulent. Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les gens aujourd'hui, un jour, moi j'aurai honte de vous. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut rejoindre à ma soeur ici pour accepter Jésus comme son sauveur? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Alléluia. Amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous allons faire une prière ensemble. Et je veux que ça soit ta prière personnelle. Alléluia. Amen. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Nous allons prier. Je veux que tu répètes après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette opportunité. Merci de m'avoir aimé. Je reconnais que je suis pécheur, que je ne peux pas me sauver. Mais je sais qu'il y a 2000 ans, tu es venu sur la terre, tu es monté sur la croix et tu es mort pour moi. Ton sang a coulé pour effacer mes péchés. Alors je viens à toi tel que je suis. Je t'accepte comme mon sauveur. Viens vivre dans mon cœur. Viens régner en moi. Sois le maître de ma vie. S'il te plaît, lave tous mes péchés par ton sang précieux et donne-moi ton Saint-Esprit. Satan, écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Tout lien que j'ai tissé avec toi, consciemment ou inconsciemment, c'est annulé et brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir accepté. Aide-moi à vivre pour toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Ma soeur, félicitations. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu suives le frère. Là, il va te parler brièvement. Et si tu prends ta place, asseyez-vous.